Copyright 50 languages. دورة لغوية سمعية تتضمن عددا واسعا من اللغات. واحد. Un. الأشخاص. Les gens. Les gens. أنا. Moi, je. Moi, je. أنا وأنت. Moi et toi. Moi et toi. نحن الاثنان. Nous deux. Nous deux. هو. Lui, il. Lui, il. هو وهي. Lui et elle. Lui et elle. كلاهما. كلتاهما. Eux deux. Eux deux. الرجل. L'homme. L'homme. الامرأة. المرأة. La femme. La femme. الطفل. الولد. L'enfant. L'enfant. العائلة. Une famille. Une famille. عائلتي. Ma famille. Ma famille. عائلتي هنا. Ma famille est ici. Ma famille est ici. أنا هنا. Je suis ici. Je suis ici. أنت هنا. Tu es ici. Tu es ici. هو هنا وهي أيضا. Il est ici et elle est ici. Il est ici et elle est ici. نحن هنا. Nous sommes ici. Nous sommes ici. أنتم هنا. أنتن هنا. Vous êtes ici. Vous êtes ici. جميعهم هنا. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici.